ça. Bon. Tu ne parles jamais de la solitude. Assumer sa solitude, c'est quoi? Bon, j'ai déjà fait des conférences sur la solitude. Quand on n'a plus d'attache familiale, maritale et amicale, on ne se sent jamais seul quand on n'a pas d'attache. C'est quand on a des attaches puis qu'on n'a pas ce à quoi on est attaché qu'on se sent seul. Alors, quand on n'a plus d'attache familiale, maritale et amicale, comment peut-on vivre? C'est parce qu'on a des attaches sans avoir l'élément auquel on est attaché. Comment on peut vivre? C'est simple. On vit exactement comme avant qu'on les aille, ces attaches-là. Le problème, c'est que l'humain compare à cause de sa mémoire. Alors, avant qu'il connaisse une personne, il s'en passait bien, n'est-ce pas? Il l'a connu et il l'a pu, et c'est là le problème. Toi-même, tu as une femme, des enfants, le centre. Le centre, disons que je m'ennuie jamais. Donc, tu n'es pas seul. Pourrais-tu assumer d'être vraiment seul? Ce détachement de toutes ces manipulations mémorielles apporte quoi à l'homme qui est conscient? Je suis seul et sans attache matérielle. Je suis mille fois écœuré d'être écœuré. Pas encore assez. Quelle est l'intelligence qui me fera supporter ce vide s'il n'y a pas de raison à tout ça? Quelle est la raison de ton existence? Il y a énormément de questions que je réponds d'une façon très exacte. Cette personne-ci, elle n'a pas besoin de... C'est pas une question qu'il faut qu'elle me pose. Il faut qu'elle vienne discuter avec moi. Pas une question, comme ça. Je ne blâme pas sa question. J'explique simplement à la personne qu'il y a des questions qui, ce ne sont pas des questions, ce sont des discussions. Parce qu'il y a dans cette question énormément de mots qui pourraient être ajustés. Et la personne, elle est juste sur le bord de comprendre. Ce qui fait que je n'y réponds pas. Puis à un moment donné, si elle veut jaser, bien, on s'arrangera, on se verra. Tu es un des seuls sur la planète qui peut faire une conférence pour nous apprendre qu'il faut supporter de ne rien savoir. Effectivement. Veux-tu muter notre conscience ou éprouver notre système neuronique? Absolument rien. La mutation, elle se fait tout seul. On n'a pas besoin de rien pour les muter. Imaginez-vous bien que les journaux essayent de la muter, votre conscience, depuis tout le temps. On parle de bonheur de temps en temps, puis toutes les nouvelles, des nouvelles de massacre. Puis de crash. C'est le cas de dire, ils vous crachent sur le visage. Je n'ai pas dit que l'homme doit vivre de l'ignorance. J'ai dit que l'homme doit être capable de supporter de l'ignorance. Et l'évolution, et ça, ce n'est pas des mots. On a juste à vérifier, à réfléchir, à dessiner, à voir, à vérifier. Rencontrer des hommes de science hautement avancés, rencontrer des théologiens hautement avancés, et s'ils n'ont pas trop d'orgueil, ils pourront avouer qu'effectivement, ils en ignorent plus que vous. Et moi, j'ignore des choses que vous n'avez pas conscience d'ignorer. Je suis capable d'englober des choses que j'ignore que l'homme n'a même pas la faculté de penser que ça peut exister. Le médecin ignore bien plus de choses sur le corps que vous, parce que vous, vous ignorez la médecine. Mais le gars ou la femme qui fait de la recherche sur le sida, elle se casse drôlement plus la tête que l'homme ordinaire. Parce qu'elle a une conscience de ce qu'elle ignore qui n'est pas la conscience du peuple. Le peuple n'a pas la conscience de ce qu'il ignore, ce qui fait qu'il n'en souffre pas. Plus il répond à des questions, plus il bouge des trous d'ignorance, plus nécessairement jaillit une question qui englobe plus d'ignorance. Et plus l'être humain se conscientise, donc plus l'être humain évolue, plus nécessairement il pourra répondre à ce qui l'entoure et il verra de l'ignorance. Regardez ceci. Vous allez comprendre encore plus facilement. L'évolution, c'est simple, c'est exactement comme une petite sphère. La conscience de l'homme, c'est l'étendue de la sphère. Alors la sphère, elle peut englober combien de volumes d'espace? Combien de volumes d'ignorance? La petite sphère, elle est grosse comme ça et sa surface, et là, elle a, par exemple, 2 pieds carrés. Elle englobe 2 pieds carrés d'ignorance. Mais là, je la grossis. Elle se conscientise. Elle grossit. Alors, la surface maintenant qui est exposée à l'ignorance, elle est plus grosse. Si ma sphère devient grosse comme la planète, ce sera des milliards de pieds carrés qui seront exposés à l'univers. Exactement comme si vous avez un œil. Et votre œil est fixe, il ne peut pas bouger. Alors je dis, vois-tu ce que tu vois là-bas, là? Puis tu me réponds, oui. Je me demande, qu'est-ce que c'est? Tu me dis, je ne le sais pas. Ouvre l'autre yeux. Mais là, le matin, il y a deux, je ne le sais pas, camarade. Tu vois plus clair. Tu es plus conscientisé. Mais il y a beaucoup plus d'ignorance maintenant. Tu regardes le ciel, ah ben c'est des étoiles accrochées au firmament. Va te donner un télescope, mon petit. Tu vas voir que le firmament va reculer loin à ta barouette. Puis même que les étoiles que tu ne voyais jamais vont commencer à apparaître. Voilà. Ta conscience s'expand, ton ignorance grandit. Je parle de conscience d'ignorance. Celui qui répond à toutes les questions est intéressant. Celui qui est capable de supporter le poids de son ignorance est évolué. C'est ça, le degré d'évolution. Et dans ce contexte, on ne peut pas devenir snob d'ignorer. Moi, si vous me demandez, est-ce que tu sais quelle est l'adresse de telle personne? Si je te dis, non, je l'ignore, et je t'ai évolué. Pas ça. Suis-je capable de supporter le poids de mon ignorance? C'est ça qui détermine le degré de ma conscientisation. Supporter le poids de l'ignorance. Alors, tu es le seul sur la planète pour faire une conférence pour nous apprendre qu'il faut supporter de ne rien savoir. Et oui. Et si vous voulez encore rien, plus rien savoir, lisez. Instruisez-vous. Dans des conférences. Observez. Puis vous allez de plus en plus rien savoir. L'humain va dire, non, j'en sais plus. Mais tu te poses des questions que les autres se posent pas, hein? Tu ignores maintenant des choses que les autres n'ignorent pas. Parce qu'ils n'ont pas la conscience de la chose. Ils ne peuvent pas ignorer. Vous allez dire, le pygmée ignore comment faire démarrer une auto. C'est faux. Il n'y a pas d'auto dans son monde. Si vous découvrez l'auto, vous découvrirez en même temps l'ignorance de la faire marcher. Et là, vous devrez l'apprendre. Plus l'être humain apprend, moins l'être humain sait. Et c'est le degré de support de son ignorance qui détermine la conscientisation d'un être humain. Je vais donner un autre exemple bien facile. Un être humain se promène lentement dans la forêt, tout va bien, puis à un moment donné, il y a un arbre qui se lève sur ses racines, puis qui se met à marcher, puis qui se plante ailleurs. Est-ce qu'il sait qu'est-ce qui se passe? Non. Il vient de vivre une expérience hautement initiatique. Son degré d'ignorance vient d'en prendre un coup. Là, il risque, s'il ne peut pas le supporter, il risque d'avoir de maudits problèmes. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas ce qui vient d'arriver, ça ne se peut pas. Dans ce qu'il sait, cette ignorance n'existe pas. Maintenant, ce qu'il vient de voir, les premiers qui ont vu des ovnis se promener, bien leur ignorance les a traumatisés énormément. Vous ignorez des choses. Savez-vous que l'être humain peut marcher sur l'eau? Alors un jour, vous allez reculer, puis quand on va vous dire « Hey, t'es 5 pieds dans la piscine », bien regardez, vous allez marcher sur l'eau, parfait. Votre ignorance va simplement vous couler dans l'eau. Vous ne pourrez pas supporter le poids de votre ignorance, l'eau ne pourra pas supporter le poids de votre corps. Continuellement, c'est ce qui arrive à l'humain. La personne qui découvre subitement qu'elle a un don de guérisseur, elle en souffre dans le début, parce qu'elle ne sait pas ce qui se passe. L'autre degré de support de son ignorance. C'est ce que je veux dire. Puis si les autres humains ne font pas de conférences sur le support de l'ignorance, c'est simplement parce qu'ils ne sont pas encore capables d'ignorer cela. Daniel, le cœur étant le siège des sens de l'astral, comment devons-nous interpréter les sensations que l'on y ressent? Y a-t-il une relation entre l'anti-homme? On y revient. Essayez d'écrire vos questions sur le haut de la feuille quand j'ai lu. Je n'ai pas besoin de virer de bord. Qu'est-ce qui donne à la conscience l'impression d'être humain à travers la connaissance? L'homme essaie d'englober. C'est ce que tout à l'heure j'expliquais. L'homme fonctionne vers la fusion. Il veut englober. Il veut appartenir. Il veut que ces choses lui appartiennent. Ce qui fait que l'homme vit un processus anti-évolutif qui s'appelle l'évolution spirituelle, qui s'appelle l'évolution telle qu'on la connaît dans la majorité des traditions ou des enseignements, celle d'acquérir de la connaissance. Acquérir de la connaissance, se créer un poids mortel en arrière de soi qui donne à l'humain l'illusion de s'accaparer l'extérieur. Posséder l'ignorance dans le langage de l'humain planétaire actuel, c'est posséder la connaissance. La connaissance est la structuration de l'ignorance orchestrée par le cerveau de l'homme. C'est ça, la connaissance. Toute science chez l'homme, la science, prenez la médecine, hein? Qui ici fait confiance aux médecins? Bien, ceux qui leur font le moins confiance sont souvent les médecins. Pourquoi? Parce que la médecine, elle a tellement structuré l'ignorance du corps que le degré d'ignorance qu'ils ont supporté devient puissamment dangereux. Ils ne savent rien. On est malade, ils savent pas. On dirait que plus ils en apprennent, moins ils savent. C'est en plein ça. La connaissance, c'est l'orchestration de l'ignorance de l'homme. Tellement bien orchestrée que ça semble se contenir. Alors, plus je sais que les supernovas existent. Ah, j'ai l'impression d'accumuler de l'extérieur chez moi. Je te connais, toi. Je me sens sécure. Si je le rencontre, je le connais, le théorieux. Mais en réalité, ça me donne que l'illusion que l'extérieur m'appartient. Alors, il y a des personnes qui ne voyagent jamais. Non, moi, j'ai mon village, j'ai ma place, ma maison. Ça fait 25 ans que je reste là, je connais tout le monde. Tu as l'impression que tout ça, c'est toi. C'est ton univers. L'humain s'identifie à sa connaissance. Alors qu'en réalité, l'humain ne doit pas connaître les choses. L'humain doit savoir les choses. Ou, si vous préférez, l'humain doit être les choses. Mais être les choses n'est pas question de connaissance. Être les choses, l'arbre ne peut pas connaître l'arbre. L'arbre ne peut connaître que ce qu'il n'est pas. Il ne peut pas connaître ce qu'il est. L'enfant peut connaître l'état de bébé. Il peut voir l'adolescent. Il ne voit pas l'enfance. L'adolescent sait ce que c'est que l'enfant. Il ne connaît pas l'adolescence. L'adulte parle de l'adolescence, mais il ne connaît pas l'adulte. Le vieillard peut parler de l'adulte. Il ne connaît pas encore la vieillesse. Il y a le stéréotype projeté par ceux qui ne sont pas vieux de ce que devrait être la vieillesse. Lorsque l'homme parle de connaissance, il parle d'ignorance. Il structure son ignorance. Je connais le moteur à essence. Parfait. Et puis, tout le reste, non. Maintenant, tu sais ce que tu ne connais pas. C'est la structure de l'ignorance. Lorsque nous parlons, lorsque la conscience a l'impression de se retrouver au travers de la connaissance, c'est simplement la même chose. Ou vous allez fusionner, vous fusionnez avec tout ce qui est énergétiquement vous, ou vous allez apprendre à voir passer ce qui est vous et n'en conserver que la mémoire. Autrement dit, est-ce que la mémoire d'une pomme vous nourrit aussi bien qu'une pomme? Rappelez-vous quand vous l'avez mangée. Allez-vous engraisser? Non. Eh bien, l'évolution traditionnelle, la recherche de la connaissance, c'est ça. C'est la recherche de la mémoire des pommes pour se nourrir. Et l'humain vient broyer après. Ouais, mais ça fait 2000 ans, 30 000 ans que ça n'a pas changé le monde. C'est évident. Si on se nourrit de mémoire de pommes, ça ne change pas le monde. On ne change pas grand-chose. Par contre, lorsque l'humain commence à conscientiser les choses, il ne les connaît pas par la connaissance. La connaissance, il faut faire attention, parce qu'il y a Krishnamurti, à un moment donné, qui a parlé de la connaissance comme je parle du savoir. Il parlait de la naissance avec, de la co-naissance. Sauf que l'humain dit « je connais la mécanique ». L'humain ne dit jamais « je sais la mécanique ». L'humain ne dit pas « je connais que je vis ». L'humain dit « je sais que je vis ». Le savoir est instantané. Il ne provient pas de l'apprentissage, donc il n'est pas de la connaissance dans le langage courant des gens. La connaissance est l'accumulation de mémoire. La recherche est la connaissance. On ne peut pas faire la recherche du savoir, on peut l'exprimer. Faire la recherche de la connaissance, c'est toujours rechercher la frontière. Lorsque la Terre est tout petite, ça va bien. Lorsqu'on connaît juste notre continent, c'est parfait. Lorsque l'autre bord de l'océan, ça coupe carré, merveilleux. Lorsqu'il y a un maudit niaiseux qui part et qui tombe dans le trou et qui nous revient dans le dos, la Terre est ronde. Et maudit, le problème commence. Parce que là, on vient de découvrir notre ignorance. Là, on envoie des expéditions. On veut absolument tarir l'ignorance. On appelle cela la connaissance. On envoie des expéditions qui vont nous cartographier ce monde pour retrouver notre sécurité. À un moment donné, c'est les maudites planètes qui commencent à nous échaler. Et puis, on continue, on continue, on continue. Puis finalement, ben, au-delà de cette galaxie, il y a l'univers. Au-delà de l'univers, il y a les super-univers. Au-delà des super-univers, il y a la création. Au-delà de la création, il y a d'autres choses. On n'a pas fini d'ignorer. Est-ce que démolir la forme, c'est commencer à engendrer les bypass? Tout dépend de quelle forme, quand elle est démolie, comment elle est démolie, si elle est transmuée ou non. Parce qu'on ne peut pas procéder du jeu de démolir la forme simplement pour démolir la forme. Il y a des religions sur la planète qui s'évertuent à démolir le corps. Pour arriver à l'extase, au savoir. Ils arrivent juste à être plus laid. C'est tout. Ils sont juste plus laid. Démolir la forme n'est pas un jeu. La forme se démolit tout seul lorsqu'on ose poser les questions. Qu'est-ce qui diffère le cerveau de l'animal et de l'homme? La quantité de cellules gliales, la quantité de neurones, la relation entre les neurones, donc la programmation axonique entre les neurones, le poids de l'énergie qui peut servir à la gestion neuronique par rapport à l'énergie qui doit servir à l'entretien de la vie. Le cerveau d'un éléphant est peut-être plus pesant que celui d'un homme. Son corps l'est tellement qu'en proportion, son cerveau est plus petit. Et il y a surtout le phénomène du système endocrinien qui est hautement salutaire au cerveau. Ça n'a jamais été pesé ou calculé, l'humain ne le sait pas. L'humain pense que l'émotion est coronarien au cardiaque et que le mental, la pensée est cérébrale. 80% de la pensée actuelle de l'humanité est endocrinienne. C'est ce qui permet à l'homme d'avoir des émotions biologiques. Vous ne verrez jamais un chat perdre connaissance. Vous verrez des humains perdre connaissance par réaction émotive. Pas le chat. Le système endocrinien du chat n'exprime pas ce phénomène de pensée. C'est de la pensée. Alors, le chat ne désire pas une belle boîte pour faire ses crottes parce qu'il n'y a pas de pensée endocrinienne, donc de pensée émotive, ce qui fait que lui, ça n'a pas d'importance. Si la boîte n'est pas là, ben, il faisait besoin pareil, puis ça finit là. Qu'est-ce qui différencie le cerveau de l'homme et de l'animal? C'est pas le cerveau qui différencie l'homme de l'animal. Surtout, évidemment, il y a le phénomène neuronique axonique, le phénomène glial, très important, même si encore un peu ignoré de la médecine, et le système endocrinien. C'est ça qui différencie l'homme de l'animal. Est-ce que l'esprit est divisé? L'esprit est totalement divisé, et étant donné que ces particules de l'esprit sont présentement habitent des corps physiques qui sont d'autres proliférations infusionnelles de l'énergie, qu'on peut appeler l'esprit. Cela implique que l'humain va engendrer différentes théologies, parce qu'à l'échelle de l'effusion de notre galaxie, le processus qui s'est effusé s'est diffusé en différents faisceaux. Ces différents faisceaux vont se remultiplier au niveau de l'échelle planétaire, ce qui doit engendrer pour supporter ces faisceaux des milliards d'êtres humains. Et lorsque les faisceaux vont commencer à s'agglomérer les uns vers les autres, il y aura de moins en moins d'humains, jusqu'à un moment donné où il y aura les 144,853 faisceaux qui ont pénétré la galaxie. La Bible parle de 144 000 élus. À l'époque, évidemment, on n'était pas précis. Et lorsque l'être humain vit de cette fusion, c'est l'esprit qui se fusionne avec les mémoires réincarnationnelles qui vont réhabiter l'humain. J'en ai parlé souvent dans les conférences sur la réincarnation. Alors, l'esprit est divisé et il cherche à se rejoindre. Lorsque l'antique théologie parle de frères ou sœurs en esprit, il ne parle pas de toutes les races. Alors, il y a des femmes qui sont sœurs en esprit d'un autre, mais pas d'un autre, parce que ce n'est pas le même faisceau d'esprit qui vient les rejoindre. Alors, l'esprit est divisé. Depuis toujours, l'homme cherche la liberté. Court-il après ce qui n'existe pas puisqu'il n'y est toujours pas parvenu? La liberté, elle se trouve lorsque l'homme se libère de la liberté. Sinon, tant que l'homme la cherche, il est pogné. Faut-il que l'ego meure pour devenir vivant et utile? Utile, c'est réglé. Vivant aussi. Mais nécessairement, il faudra que l'ego meure pour que l'esprit prenne sa place. On va en reparler dans le processus de la fusion. Il y a une chose qui y a énormément de phénomènes qui participent à notre évolution. Quand je dis de temps en temps que lorsque l'homme se couche, il veut dormir, et puis ça pense dans sa tête, que l'homme n'a aucun contrôle de sa pensée. Parce que s'il voudrait cesser de penser, ce serait de penser, ce qui n'arrive pas. Il y a des entités. Et quand je parle d'entités, je parle de conditions énergétiques, événementielles, qui pour moi n'ont pas besoin d'être personnifiées, mais que nous personnifions de façon à rendre la communication plus facile. parle donc d'entité. Pas d'esprit. D'entité. L'esprit n'est pas entitisable. Lorsque nous parlons d'entité, il y a énormément de processus qui animent chaque individu au cours de son sommeil, au cours de son éveil, au cours de la phase où il va dormir, au cours de son alimentation, de sa digestion, de sa réflexion, de son émotivisation. Il y a un paquet de processus qui dirigent et manipulent l'homme. L'un des grands processus est la mémoire de notre effusion planétaire, c'est-à-dire la mémoire de notre apparition involutive à l'échelle de la planète, c'est-à-dire le monde de la mort, c'est-à-dire le ciel, c'est-à-dire le monde astral, qui n'est qu'un processus d'involution hautement avancé, dirigé par le processus d'évolution effusionnelle qui provient de ce qu'on appelle l'intelligence supramentale. Et l'intelligence supramentale ne veut pas s'effuser dans le schéma planétaire de l'homme. C'est pourquoi plus nous avançons dans le temps, plus l'homme a un contact fusionnel avec le plan supramental, parce que le plan supramental essaie et recherche l'individu qui est cérébralement, physiquement et endocrinalement prêt à recevoir un contact fusionnel qui permettra à ce phénomène supramental de ne pas vivre l'effusion. 99% des gens n'ont pas compris ce que vous avez expliqué du libre-arbitre. La personne est collective. Bon. Les gens disent, ça existe dans les petites choses, mais pas dans les grandes. Moi, je crois qu'il n'existe pas du tout. Ne croyez pas qu'il n'existe pas du tout. Soyez-en sûrs. Le libre-arbitre existe-t-il dans les petites choses? La personne, elle est convaincue que ça n'existe pas et elle a l'affront de se laisser manipuler pour me poser la question. C'était une petite chose d'écrire la question. Et quand une personne sait et pose la question pareil comme s'il doutait, elle était manipulée. Alors, dans les petites choses, il n'y a pas plus de libre-arbitre. À quoi va ressembler l'homme après sa fusion? Ça, ça n'a pas d'importance. Vous dites qu'il y aura mutation physique. Oui, on peut avoir un deuxième nez. Sera-ce une matière énergétique? Lorsque l'on va prendre une cellule d'une personne qui a vécu sa fusion et qu'on va décoder le code génétique, on pourra simplement constater que ses parents ne sont pas planétaires. C'est là l'apparence de la mutation. On peut aussi appeler cela une deuxième naissance, c'est-à-dire que l'homme, lorsque l'homme fusionne son double éthérique, qui est une partie effusée de son esprit, il mute le corps physique pour permettre à ce corps physique de pouvoir plus supporter la présence de la conscience. Comme il a créé le corps physique, comme il a créé les galaxies, les soleils et ces choses-là, et il va muter le corps neuronique et le système endocrinien. Le système thalamien, le thalamus et l'hypothalamus qui servent énormément de voies expressives du monde de la mort, donc de l'astral, du phénomène émotif, de la recherche de l'évolution évoluante, va être bloqué, gelé. Et c'est l'épiphyse qui va commencer à gérer et à régir l'expression par le centre laryngé de la connaissance dans la parole et finalement dans la gestuelle. Il n'y a pas de changement biologique radical. Par contre, toutes les maladies planétaires ne pourront pas toucher cet humain. Et par contre, tous les médicaments planétaires ne pourront pas guérir ces maladies. Ce sera des initiations où il devra lui-même permuer son corps physique. Lorsque l'humain se met au monde lui-même, c'est le cas de le dire qu'il se met au monde, qu'il naît. Pourquoi? Parce que maintenant, il est son propre parent. Et si on l'analyse, on ne peut pas trouver ses parents sur la planète parce que le code génétique qu'il aura, qui maintenant sera cellularisé chez lui, sera personnifié. Lorsque je dis que l'être humain doit cellulariser son évolution, c'est justement ça que cela donne, cela vient transformer le code ADN. Ça crée des mutations qui sont positives, n'en déplaise aux savants qui disent que toute mutation de l'homme ne peut être que négative. C'est beau l'orgueil. Quand la création sera rétroaction, qu'est-ce qui empêche que tout ça peut recommencer si c'est le fruit du hasard? Le hasard a été inventé par l'homme, mais c'est une manipulation. Le hasard ne peut pas s'inventer lui-même. Qu'est-ce qui empêche que cela va revenir? Si ça revient, ça ne me dérange pas, moi je ne serai pas dedans. Alors je m'en fous. Présentement, ce qui m'intéresse, ce n'est pas de savoir qu'est-ce qui empêche que ça revienne. C'est de m'arranger moi pour sacrer mon camp. Sauf qu'on ne peut pas sacrer son camp en se suicidant, on gagne le monde de la mort. Puis celui-ci va m'en donner une urgoroche à la planète. Alors on est pogné à faire un travail qui va nous permettre de comprendre, de conscientiser. La seule façon qu'a l'homme de s'en sortir est de digérer. Digérer veut dire faire sien, cellulariser. Quand vous allez regarder le soleil, puis que vous allez avoir la conscience d'être sur une planète, vous aurez une conscience solaire. Lorsque vous regardez le soleil, puis que vous dites « Ah, il se couche », à un moment donné, votre parole va dire « Bon, il s'en va ». Si vous dites « Il se couche », vous allez avoir l'impression d'être croche à la planète, parce que vous allez avoir la conscience que c'est la Terre qui tourne, pas le soleil qui se couche. Quand vous regardez la Lune, puis que vous trouvez qu'il manque une chose à la Lune, une main pour la tenir, une corde pour l'accrocher, un poteau pour la supporter, vous allez avoir une conscience planétaire. Parce que là, vous allez regarder la Lune et vous allez voir un astre. Pas une chose que vous, avez apprise depuis que vous avez commencé à voir. Tu sais, la Lune, il n'y a rien là, la Lune. On l'a toujours vue. C'est pas une raison. Imaginez un peu la conscience du bonhomme qui débarque sur la Lune, puis là, il voit la Terre. Ça, il l'a jamais vu. Là, il se dit, c'est une planète. La Lune aussi, c'est une planète, une petite. L'humain doit développer sa conscience. Ça fait partie des phases mutatoires, et lentement, il devient planétaire. Il ne peut plus penser sa vie en fonction simplement de la rue Sainte-Catherine puis Saint-Laurent. C'est autre chose. Ma ville est grande. Ta ville est grande. Regarde la Lune. Nous sommes 5 milliards d'individus. Si nous étions moins nombreux, serait-ce plus facile de fusionner? Non, parce que la fusion engendrerait l'explosion des corps physiques. Tout le monde serait fou. On est d'ailleurs pas assez nombreux encore. C'est pour ça que le monde était encore un peu fou. Quelle est la différence entre l'illumination et le contact supramental? Le contact supramental est un phénomène conscient. L'illumination est un phénomène émotif. D'un contact avec le plan supramental, coloré par l'émotion de celui qui le reçoit. L'illumination n'est pas consciente, elle va normalement être théologiquement émotivisée en fonction d'un dieu ou d'un contact angélique ou archangélique. Le contact supramental, l'homme sait qui il est. Et peut-on y arriver sans maître? On ne peut pas y arriver avec un maître. Par quel moyen? En continuant à faire ce que vous faites. Peut-on affirmer que tout, absolument tout ce que l'homme fait, même ce qu'il fait d'altruiste, est obligatoirement égoïste? Oui. C'est-à-dire, est-ce que l'homme peut vraiment aimer autrui pour autrui et non pour son propre avantage? Non. Pourquoi? Parce que l'homme, puis l'autre homme, c'est la même chose. S'il l'aime, c'est comme, est-ce que je peux aimer mon bras sans aimer mon corps? Non. Si ma main aime ma main, elle s'aime. Alors, on ne peut pas être altruiste dans le sens absolument détaché. On ne peut pas. Lorsque l'humain devient conscient, il peut aider autrui parce qu'il envoie l'intelligence. Et nécessairement, ça va lui rapporter. L'altruisme, à l'instant même où il apparaît dans la conscience de l'homme, devient de l'égoïsme. Pourquoi aides-tu ton prochain? Ben, c'est les commandements de Dieu. T'as peur de la strappe. OK. Donc, c'est pour toi que tu le fais, pour pas manger des coups. Pourquoi aides-tu ton prochain? Pour aller au ciel. Correct. S'il n'y a plus de ciel, t'aides plus ton prochain. D'accord pour toi. Faites juste l'expérience d'annoncer planétairement que tous ceux qui aident leur prochain vont à l'enfer, vous allez voir. L'autre vont dire, ben, Christy, c'est intelligent de l'aider, c'est ça. Ça te fait plaisir de l'aider, ça t'arrange de l'aider, c'est pour toi. Il n'y a pas d'humain qui fait quelque chose autrement que pour lui. C'est logique, normal. Sauf que l'homme se le refuse parce qu'il y a eu un temps dans le passé où l'être humain ne faisait que pour lui, mais d'une façon désastreuse. Alors, en obligeant sa conscience émotive à faire pour autrui, il cessait de faire d'une façon désastreuse. Nécessairement, c'était pour lui. Parce que les dieux ont commencé par lui dire qu'il devait le faire sous peine de On a même inventé dans toutes les théologies l'enfer et le paradis. Donc, en partant, c'était pas une décision libre. Et aujourd'hui, on doit comprendre qu'on doit travailler que pour soi. Lorsqu'une personne échappe son sac de commandataire, je le ramasse. Pourquoi? Parce que je déteste marcher dans une société où les canettes traînent partout à terre. Pas parce que si un jour je l'échappe, je veux qu'on m'aide. Parce que là, je vais être frustré en tabarouette. Simplement parce que c'est intelligent. Si c'est une grosse personne, peut-être m'en laisser ramasser tout seul, elle va maigrir un peu. Mais il n'est pas question d'altruisme libre. Quand j'aide autrui, je m'aide. En partant, je ne peux pas faire autrement que de travailler d'une façon égoïste. Mais ce n'est pas de l'égoïsme dans le sens « je vole tout et j'ai tout chez moi, les autres qui disparaissent, je m'en fous. S'ils disparaissent, moi disparaître. » C'est ça qu'on appelle l'égoïsme. C'est ce qui arrivait avant. Alors, on a engendré l'altruisme. Mais aujourd'hui, non. T'as besoin d'aide, moi t'aider. Tu broyes pour avoir de l'aide, puis t'es capable tout seul, pff, broye, mon petit. L'amour est fusionnel. C'est l'amour qui force toutes les choses à se réagglomérer entre eux. Parce que l'être humain exprime un amour conditionnel, l'agglomération qu'il exige de l'amour implique chez lui une immense souffrance. L'amour de l'homme psychologique est exclusivement régi par la structure rigide de sa mémoire. Il n'aime que ce qu'il connaît. Et il n'aime fort que ce qu'il connaît bien. Et il ne peut haïr que ce qu'il connaît. La haine et l'amour sont la même chose, mal exprimées, ou exprimées différemment. Mais l'homme n'haït pas ce qu'il ne connaît pas, et l'homme ne peut pas aimer ce qu'il ne connaît pas. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la souffrance. C'est juste passe-temps. Pendant que l'être humain est occupé à essayer, dans deux dimensions, d'exprimer un phénomène qui est cinq fois dimensionné, bien nécessairement, il n'y arrive pas. L'amour, ça ne peut pas être exprimé dans le contexte de l'homme en fonction de l'expression endocrinienne, donc en fonction de l'émotion. L'amour, ce n'est pas une émotion. L'amour, c'est un sentiment. Un sentiment échappe au temps. Le sentiment est instantané. L'amour est mémoriel. On aime le passé. On n'aime pas l'avenir. On voit une chose la première fois, on peut vibrer. C'est un sentiment. C'est instantané. Ça échappe au temps. Lorsqu'on se dit « Waouh, c'était beau », c'est mémoriel. Et là, on peut l'aimer. Et nécessairement, on va souffrir d'aimer parce qu'on ne l'a pas, la chose. Et si on l'a, la chose, elle évolue avec le temps et elle se transforme. L'amour, ce n'est pas une émotion. Et d'ailleurs, l'émotion est un phénomène qui permet à l'homme de vivre. Mais l'émotion ne permet pas à l'homme de se conscientiser. Est-ce la source de tout au même titre que la conscience? Explique. L'amour n'est la source de rien. L'amour est une condition secondaire de l'apparition créationnelle. L'amour est une condition secondaire de la conscience. Étant donné que consciemment l'humain, que dans la conscience inconsciente de l'homme, l'humain perçoit, vibre, que toutes ces choses, c'est lui, mais qu'un bribe de conscience est ici, qu'une bribe de conscience est là. Alors on est de la même conscience infusée qui nous regardons. Alors nécessairement, j'ai un problème. Je suis... Toi, mais t'es là, donc je ne suis pas toi, donc je suis quoi? Et là, on commence le focage émotif. On a été créé par un Père créateur, on a été créé par Dieu, on doit s'en aller au ciel, on doit aller au nirvana, on doit se réincarner à plus finir, on doit couper de l'herbe, on doit... Bon. La vie des maîtres, livre, et la fusion, livre. Que penses-tu de cette littérature? Ils sont très bien reliés. Exprime-t-on verbalement une émotion? Jamais. On exprime avec des mots pour supporter l'expression endocrinienne de l'émotion. M'aimes-tu? Oui. Pas exprimer l'émotion là-dedans. M'aime un peu la haine, à cause du ton. Oui. Pas exprimer rien là-dedans. Si on peut exprimer une émotion par le mot, cela impliquerait que simplement le fait d'écrire des mots sans phrase serait suffisant. On doit associer les mots en phrase si on les écrit, si on les parle, et on doit s'arranger pour induire dans le corps de l'autre une coloration perturbatrice qui fera décoder d'une façon endocrinienne. Placez un détecteur de mensonges sur une personne, puis faites-lui lui lire une lettre d'amour, vous allez voir le résultat sur le détecteur. Si le détecteur ne détecte pas avec les mensonges, il détecte simplement les transformations endocriniennes et cutanées de l'individu. Alors, l'émotion ne s'exprime pas par la parole. Par contre, l'homme arrive à parler et dans la parole, il met de l'émotion, il met de l'intonation et l'émotion s'exprime donc par la vibration, mais pas par le mot. Je t'aime ne veut rien dire s'il n'y a pas l'amour avec. Et si tu le dis même pas et tu dis d'autres choses, ça va marcher aussi. Regardez un chat et dites-lui, maudit t'es laid. Le chat va ronronner. Les mots, il s'en fout. Lui, il décode ce que tu exprimes au niveau de l'émotion. Quel niveau d'ignorance cosmogonique l'être humain doit-il se rendre pour retrouver son double éthérique? Des bonnes questions. Est-ce que la mécanicité ou la loi mathématique s'infiltre jusqu'au plus haut palier de conscience? Est-ce que la mécanicité ou la loi mathématique s'infiltre jusqu'au plus haut? Non. Les mathématiques sont une condition qui exprime très bien les quatre dimensions de notre espace-temps. Les mathématiques sont totalement fausses et inappropriées à expliquer les autres dimensions extérieures à l'espace-temps, aux quatre dimensions primaires. Les mathématiques ne peuvent pas expliquer l'émotion. Elles n'expliquent qu'une chose quadridimensionnelle. Elles ne peuvent pas expliquer au-delà non plus. La mathématique ne s'infiltre pas dans la conscience de l'homme. Ce qui va s'infiltrer dans la conscience de l'homme pendant un laps de temps, c'est la faculté de reprogrammer son cerveau de façon à engendrer chez lui une expression similaire à l'orchestration d'un ordinateur. Ça ne dure pas longtemps, ça engendre la préscience. De la préscience, l'homme passe à la science, c'est-à-dire en réalité, c'est savoir. Savoir instantané. Comment s'opère le processus de l'anti-effusion lors de la rencontre de deux esprits dans deux corps différents? Deux esprits dans deux corps différents ne peuvent pas se fusionner. L'un des deux devra mourir et lorsqu'il mourra, il n'ira pas dans le monde de la mort. S'il a un double éthérique, il va le gagner. Avec son double éthérique, il peut se fusionner. On va en reparler la semaine prochaine au niveau du contact avec les hommes miracles. Et on va en reparler aussi au niveau des processus des hommes, des êtres contrôle plus tard. Deux personnes qui doivent se fusionner ensemble, l'une des deux devra mourir pour permettre la fusion. Et lorsque j'ai dit que l'une des deux devra mourir, je n'ai pas dit l'une des deux se fera mourir. Parce qu'il y a beaucoup de petits égaux qui peuvent décider que c'est le temps. Quand on est en train de se coder, est-ce qu'on peut se sentir perdu? Oui. Et quand on parle de se coder, on parle sans doute de mutation. Ça va de soi. Pourquoi? Parce que le processus qui s'opère chez soi est neuf. Étant neuf, il n'est pas mémoriel. N'étant pas mémoriel, l'âme, l'ego, ne connaît pas. Elle n'a pas la connaissance du processus. Alors, l'ego se sent perdu. Mais on ne se sent pas perdu. L'ego se sent perdu. On mute. On parle toujours à partir du point de vue con. Quand j'ai un contact, je me sens perdu. Non. Quand je deviens brillant, le cave, il se sent perdu. Ça nuance les choses. Quand on est en train de se coder, point de vue mental, est-ce qu'on peut se sentir perdu, point de vue astral? Mélangez pas les deux. Quand je suis en train de muter, est-ce que ça se peut que mon ego se sente perdu? Est-ce que tu te sens perdu? Oui, donc ça se peut. On dirait que je ne sais plus si je suis de jour en jour, qui je suis de jour en jour. J'observe que j'ai plusieurs personnalités. Est-ce le phénomène de codage? Le phénomène de plusieurs personnalités est un phénomène de décodage, de personnalité réincarnative, et l'humain doit passer par un processus de fusion dans son ego, donc dans son âme, donc dans son astral, des différentes personnalités qui ont servi à constituer ce qu'il appelle « moi ». L'homme est pluriconstitué. Il y a de la colère chez l'homme. Il y a de la sagesse chez l'homme. Il y a de la peur, de la honte. Il y a de la liberté. Il y a de la joie. Il y a tout ce que l'homme recherche est chez l'homme. Sauf qu'étant donné que c'est pluriconstitué, l'homme ne peut pas se retrouver à l'intérieur de tout ça. De temps en temps, la joie est là. Un coup sur le pied, l'ego tourne, c'est la colère qui vient s'exprimer. La fusion de ceux-là entraîne l'apparition d'un ego stable, une stabilité qui est évolutive du point de vue de l'astral, qui est une stabilité involutive du point de vue cosmique. Comme tout à l'heure, je l'ai expliqué, l'équilibre stable est involutif, c'est l'équilibre instable qui est bon. Étant donné que l'ego devient stable dans son équilibre, l'entraînement commence sa disparition, c'est-à-dire qu'il devient vital, c'est-à-dire qu'il devient un séraphin, permettant la création du double éthérique. et permettant finalement le contact entre l'homme et son esprit, c'est-à-dire que l'homme entre en contact avec sa propre intelligence. Il observe plusieurs personnalités, c'est simplement parce que le mental commence à s'identifier, à se personnaliser, et il est capable de décoder chez lui différentes choses. Si un jour il dit « oui, mais je suis comme si j'étais possédé », ben oui, t'es possédé depuis que t'es au monde, comme tout le monde. Sauf que t'as jamais su que t'étais possédé, t'as toujours pensé que c'était toi. Alors, au lieu de dire « sac, je suis possédé », tu disais « sac, comment j'ai pu faire ça ?» Les entités qui forment un homme, une femme, qui se réincarnent à différents moments de sa vie, sont-elles exclusivement féminines, c'est une femme, oui, et masculines, c'est un homme, oui, et où le mix des deux existe. Le mix des deux n'existe pas. Tant qu'on parle de réincarnation planétaire, lorsqu'on parle de réincarnation fusionnelle, il n'y a pas de sexe. Si une personne ne croit plus au ciel et à l'enfer, et réussit à supporter les conditions terrestres sans trop de problèmes, que lui arrive-t-il à sa mort? Elle meurt. Jamais, lorsque tu étais sur l'estrade, je pouvais te voir mieux. Pas de problème, prochaine fois, il faut que ce soit plus proche en avant. Bon. Qu'arrive-t-il à la personne lorsqu'elle meurt si elle arrive à supporter les conditions? Ça ne change rien. Elle arrive à supporter des conditions d'ignorance, mais maintenant, il lui reste d'autres phénomènes d'ignorance à supporter. Qu'est-ce que c'est que les autres phénomènes d'ignorance à supporter? Ça dépend des individus. Ça peut être pour un individu qui a toujours passé sa vie à faire de l'argent, tout perdre dans un crash. Il ne saura pas pourquoi. D'autres ignorances à supporter. S'il peut le supporter, il ne suicide pas. Ça peut être un individu qui, à un moment donné, vous attaque, vous agresse ou vous viole. Pourquoi moi? Voilà une dose d'ignorance à supporter. Mais là, vous vous conscientisez. C'est une expérience très initiatique, ça, de se faire violer. Mais une très forte initiation. Il y a les accidents, il y a les maladies, attraper le sida. La troisième forme de sida, on ne la connaît pas encore, celle qui s'attrape simplement en regardant quelqu'un, là. Et là, vous direz, pourquoi moi? Vous ne le saurez pas. Aux ignorants à supporter. Il y a un phénomène très dangereux au niveau de l'évolution. Quand on n'a pas faim, on dit « jeûner, c'est facile ». Quand on a faim, on mange. Alors, quand on supporte tout à merveille, c'est parce que la personne à côté de vous ne vous a pas encore donné une claque d'en face. C'est pour ça qu'on supporte tout à merveille. Vous n'avez pas fini votre vie. À part l'acceptation de l'ignorance, l'amour fait-il partie du processus d'effusion? L'amour est le processus de la fusion. C'est la solution à l'homme. Mais j'ai fait différentes conférences sur l'amour intelligent. Je maudis royalement l'amour de l'homme présentement exprimé sur la planète Terre. Elle engendre la guerre, elle engendre la haine, elle engendre l'armement, elle engendre la violence. Si un jour une femme se fait violer, c'est que l'homme qui l'a violée aimait trop le corps de la femme. Si un jour les Russes attaquent, c'est que les Russes aiment tellement l'URSS qu'ils voudront tout faire pour qu'elle persiste. Toute attaque est en réalité une défense. Toute défense est liée au processus d'amour émotif. La mère ou le père qui voit à un moment donné quelqu'un chicaner son enfant devient frustré noir comme si l'autre le chicanait lui-même. Il l'aime. L'intelligence disparaît. Il y a l'amour intelligent. Je n'en reparle pas, j'en ai parlé suffisamment. Et l'amour émotif qui pourrit l'humain, qui coule partout sur la planète, le problème de l'humain, il y a trop d'amour. Puis l'humain, à travers ça, continue à en pisser de l'amour. Il en recherche de l'amour. Il y a même des cours pour apprendre à solutionner le manque d'amour. L'homme aime tellement l'amour qu'il en exige un point tel qu'il conscientise le fait qu'il en manque. Pendant des milliers d'années, la femme a mis des enfants au monde juste pour leur jouer des cheveux, leur changer les couches. Les hommes ont mis des enfants au monde juste pour leur faire des guerriers, juste pour les faire des bons joueurs de hockey qui n'ont pas été, juste pour. Appelle ça l'amour. Vous aimez votre femme, elle arrive toute rasée la tête. Ça ne change rien chez vous. C'est pas de l'amour. Mais pas de l'amour comme on connaît. C'est de l'amour intelligent. Elle est libre et respectée. Elle a le droit d'être totalement ce qu'elle est. L'amour de l'homme est conditionnel. Je t'aime, Mais tu changes, puis... Pas autrement que ça y est, à un moment donné. Ça veut dire qu'on s'aime, mais du côté inverse. Plus vous aurez aimé quelqu'un qui va vous frustrer, plus vous allez avoir d'énergie pour le détester. Le trou noir de la couche d'ozone doit se refermer quand et pourquoi? Le passage est quelque chose d'onde cosmique. Le trou dans la couche d'ozone est quelque chose qui est prévisible, prévu. L'énergie supramentale est réfléchie par la couche d'ozone et elle vient se coder dedans, engendrant ce que j'appelle l'énergie supramentale astralisée. Ce phénomène astralisé, l'ozone, il y en a un peu partout dans l'air que l'on respire, mais très peu, ainsi que les gaz rares, est un phénomène moléculaire qui, selon sa vibration, copie et conserve en mémoire des perturbations supramentales. L'oxygène et le carbone est ce qui exprime le plus, ce qui codifie le plus l'émotion. C'est pourquoi d'ailleurs être dans l'entourage d'un individu, c'est comme venir à une conférence ou l'écouter sur cassette. Mais vous respirez la même air. Vous avez les poumons, vous les purifiez, là. Poussez-vous pas toutes. De toute façon, quand on respire dehors, on respire des molécules que Napoléon a déjà respirées. L'air, c'est pas refait de sa planète, fait qu'il y a un masse humain et passe par bien les poumons. Cela nous permet, premièrement, de recevoir 24 heures sur 24 des personnalités, des mémoires réincarnatives. Et au niveau de la couche d'ozone, l'ozone doit s'éliminer dans certaines régions de la planète, en l'occurrence au sud et au nord, parce que les champs électromagnétiques le permettent, de façon à ce que l'énergie supramentale puisse passer sans être réfléchie et codée. Ce qui, de plus en plus, va permettre à certains humains qui sont capables de la recevoir, cette conscience, de pouvoir en vibrer. Ce n'est pas un problème, la destruction de la couche d'ozone. Ça va engendrer ce que depuis longtemps on parle, une initiation solaire. L'initiation solaire peut brûler. Et celui qui n'est pas prêt, donc suffisamment muté, peut voir même son corps brûler. Et nécessairement, lorsque l'ozone disparaît, le soleil perce un peu plus et c'est dangereux. Mais il y en a qui se préparent, ils vont se faire bronzer dans des boîtes. Si l'énergie a arrêté l'évolution en créant l'être humain, pourquoi n'a-t-elle pas fait avant alors qu'elle était plus puissante? Pour la simple raison que être puissant ne veut pas dire être conscient globalement des choses. Et j'ai expliqué que l'énergie de l'homme est apparue secondairement à la création. Il y avait déjà des phénomènes éoniques, des éons, qui sont des dimensions provenant directement d'un phénomène créationnel, qui était passé avant l'homme. Et l'homme a pour fonction de résorber l'univers. L'homme est intentionnel, pas la création. Alors, nécessairement, tout le processus de fusion a été orchestré par ce que l'on peut appeler des hommes miracles, on va y revenir la semaine prochaine, par des phénomènes qui ont engendré la séparation convenable de la conscience pour permettre à la conscience de l'homme d'être suffisamment globale pour conserver la conscience de la conscience sans être trop puissante pour être capable d'agir. Le refroidissement à l'involution est intentionnel parce que l'homme doit être capable d'aller se planter dans la matière, qui est le plus bas niveau d'expression de cette création. Et par la suite, l'homme doit digérer. On parle de souffrance, c'est de la digestion. On parle de bonheur, c'est de la digestion. On comprend, on pose des questions, c'est de la digestion. L'humain qui pose et qui supporte l'ignorance digère. L'humain peut dire « Oui, mais ça fait 15 ans que je n'ai pas de réponse. » Et là, je lui demande « Est-ce que ça t'achale? » Bien, ça commence. Parfait. Si tu n'as pas de réponse, tu n'es pas prête. Ça t'achale. Tu ne peux pas supporter l'ignorance. Tu as oublié la question. Tu n'as pas supporté le poids de l'ignorance. Tu as oublié la question. On parle d'énergie puissante. Vous partez de Montréal, vous allez à Québec et vous devez revenir à Montréal. Alors, celui qui part de Montréal est plus proche de Montréal, plus évolué, plus proche de Montréal. Il reçoit encore les ondes de ses cassés, là, il pogne, il est plus proche de Montréal, plus évolué. Lui qui est rendu à Québec, il pogne pas. Il est évolué, il est dans le trou, lui, il pogne pas. Le lendemain, il revient vers Montréal. Ah, il commence à les capter tout croche au travers. Il commence à évoluer. Quand il rencontre celui qui part de Montréal, nécessairement, il dit, lui, il est vachement plus évolué. Il n'est pas plus évolué, il reçoit mieux. Sauf que lui s'en va vers Québec, tout s'en vient vers Montréal. Le plus évolué, c'est celui qui s'en vient, pas celui qui s'en va. Mais dans l'apparence immédiate, bien, celui qui s'en vient, quand c'est l'homme, il se met à genoux devant celui qui descend. Bon. Alors, c'est plus puissant, c'est pas plus conscient. Le monde astral sert l'involution. Comment le transformer en énergie évolutive pour l'humain? Le monde astral, l'homme devra le digérer au complet. À un moment donné, l'homme devra être capable d'absorber tout le monde de la mort. dans les 20 à 30 ans qui viennent, c'est ce qui va arriver. Tous ceux qui auront encore un physique vont le faire, n'auront pas le choix. Il y en a qui vont savoir ce qui se passe, il y en a d'autres qui vont gratter pour se cacher. Ils devront simplement recevoir en phénomène réincarnationnel tout le monde de la mort. Toute l'humanité devra revenir au niveau des mémoires et elle devra cohabiter avec ceux qui sont déjà présents sur la planète. Sans exception, tout le monde de la mort va se vider. L'humain devra le digérer. Le digérer, cela veut dire être capable de comprendre qu'à un moment donné, il se lève et qu'il est colérique et de se dire que ce n'est pas lui. Et de ne pas lutter à repousser les choses, il devra les digérer, les choses. Alors l'homme servira de phénomène ascendant, il fera évoluer tous ceux qui sont mémoriellement passés avant nous. Ce n'est pas une résurrection dans des corps, c'est-à-dire que, bon, si on veut théologiser émotivement, on peut dire que c'est ça, sauf que ce n'est pas le corps de Napoléon qui revient, paf, ça fait Napoléon. On va être 80 milliards d'humains sur la planète, si toute la gang de cons, ils ressortent de le tombeau. Bon. Imaginez-vous ceux qui sont dans les musées, il faut qu'ils cherchent le pot en tabarnouche. Les mémoires se réincarnent dans l'homme et l'homme devra apprendre à les digérer. Ce qui fait que finalement, il n'y aura plus de monde de la mort. Et à cette époque, ceux qui n'auront pas compris, ceux qui devront évoluer par obligation, ceux qui devront évoluer, ceux qu'on va massacrer pour placer, bien, il y en a qui vont se tuer. Il n'y a pas de monde de la mort, ils ne trouveront pas la mort. Ils vont se tuer, puis ils vont être tués d'un autre. Jean de Patmos en a parlé un petit peu dans son livre. À l'époque, les bandes dessinées n'existaient pas, là, mais il a écrit, ça s'appelle l'Apocalypse. Quand je vois les êtres fumer comme des cheminées, ça me dérange, ça me fait souffrir. Pourquoi briser sa santé comme ça? Est-ce ça supporter l'ignorance? Ça fait mal. Effectivement. Parce qu'on voit les autres fumer. Et puis, ça nous fait chier. C'est bon pour la santé. Tous les médecins vont vous le dire, c'est bon pour la santé. Pas de fumer, mais... Sauf que... Il y en a qui ne fument pas, mais qui mangent comme des... Il y en a qui se masturbent à la place. Il y en a qui écoutent de la musique régulièrement. Il y en a qui sont toujours rendus au vu. Il y en a qui doivent dépenser à la place. Il y en a qui doivent choquer à la place. Bref, l'humain a besoin d'une manière de se terrestrifier. C'est-à-dire qu'à un moment donné, là, tu te sens comme quelque chose de particulier et subitement, tu bois. Subitement, tu te drogues. Subitement, tu mets ta cassette. Subitement, tu allumes ta cigarette. Subitement, tu fais l'amour. Subitement, tu... quelque chose. Parce qu'à un moment donné, le corps de l'homme n'est pas suffisamment évolué, muté, pour être capable de supporter le degré de conscience qui vient l'habiter, alors il grimpe dans les nuages. Et pour rester terre à terre, tout en ayant sa conscience, il doit exprimer un processus de terrestrification. Il doit se grounder. Et qu'est-ce qu'il fait? La majorité vont fumer. Ils se démolissent la santé? Oui. Mais s'ils ne fument pas, ils engraissent. Ils se démolissent la santé? Oui. S'ils n'engraissent pas, ils font d'autres choses. Ils démolissent de toute façon quelque chose. C'est-à-dire qu'ils obligent le corps à manger la claque. Parce que l'énergie qui commence à les faire perdre un peu la carte sert à restaurer le corps. Alors, ils sont terrestrifiés et ça marche. C'est simple. Tu as une mauvaise nouvelle, là, tu vas fumer. Je rencontre des gens, hein, par le fait même qu'ils doivent me rencontrer en seul à seul, même ceux qui n'étaient pas fumeurs commencent à fumer. Alors, moi, j'ai un petit cendrier avec une petite fan, puis ils mettent ça là-dedans, puis ils soufflent là-dedans, puis ça sent pas trop. Puis quand ils comprennent rien, bien, j'ai une grosse fan, puis ils essaient vers eux autres. Puis... Terrestrifié. Lorsque l'humain peut supporter ce qui lui arrive, ça fonctionne. Mais on ne peut pas parler de destruction de la santé. La cigarette n'a pas été inventée pour détruire la santé. Il est bien évident que quand on fume dans mon entourage, moi non plus, j'aime pas ça. S'il est chez moi, il fume dehors sur le balcon. Dans la chambre de bain, la fan ouverte ou en dessous du poêle. En fait, de la haute. Quand je suis chez lui, il fume où ce qu'il veut. Dans son éveil de la conscience planétaire et écologique, où en est rendu l'humanité? T'en plein ça dans son éveil. Il y en a qui ont bougé un doigt. Il y en a qui ont bougé un peu plus. Mais ça se réveille vite l'humain. Il suffit juste que le petit Arla se réveille, puis se mette à broyer, puis tout le monde se réveille. Vous voyez, c'est compliqué, bien, ça se réveille vite. Est-ce qu'on peut faire individuellement pour contribuer à l'émergence de nouveaux paradigmes écolo-pacifistes? On doit prendre cette idée de créer un nouveau paradigme éco-pacifiste, puis on doit carrément foutre ça dans la filière ronde, dans la poubelle. Parce que l'homme qui veut créer un concept risque d'empêcher tout ce qui doit être d'être. On ne veut créer l'avenir qu'à partir de ce que nous connaissons de la merde, du passé. Alors, je ne suis, moi, foutrement pas intéressé à ce que ce qui a été imaginé par l'homme pour l'avenir arrive. Absolument pas. Parce que ce que l'homme a imaginé, c'est foutrement rien par rapport à ce que l'homme peut faire. L'homme se fie à ce qu'il a fait pour faire. Pas intéressé pantoute. Absolument pas. Les vaisseaux spatiaux pour voyager. Ben voyons donc. Encore pogné à embarquer dans des boîtes de sardines pour se promener. Pas intéressé pantoute. Tout le monde a que téléphone et cellulaire dans son auto. À payer des comptes. Non, moi, j'aime autant savoir ce que j'ai à savoir. Est-ce que l'univers, ou plutôt la création, serait un éparpillement de cellules formant un tout? Exemple, l'humain serait une cellule de ce tout. Ça ressemble à ça. Mais c'est mauditement plus puissant qu'une cellule. On prend des exemples planétaires. Une plaie sentie dans son corps lors d'un événement secouant des mémoires était l'expression de l'anti-soi. C'est la lutte ou la constatation de l'ego d'une partie de lui qui vient de sauter, donc d'une forme qui vient de se briser. Et c'est la lutte de l'ego pour la restaurer. Lorsque la conscientisation s'amorce, c'est ce qui arrive. Cela affecte quand même les glandes endocrines, oui. On passe vite, j'ai des affaires que je vais expliquer là-dessus aussi. On est à côté. Parle de l'interaction entre deux personnes vivant un événement initiatique dans le couple et des entités là-dedans. Que dis-tu? Que tu dis se réincarner 24 heures sur 24? On va y revenir. Lorsque le temps ne fait plus souffrir et qu'aucune émotion ne hante l'esprit, que se passe-t-il? Quand ça va t'arriver, tu vas le savoir. Parlez-nous de Shambhala. Shambhala, c'est le phénomène qui exprime les mécanismes arimaniens. Shambhala, c'est un processus planétaire qui est régi par des hiérarchies qui obligent l'humain à aimer la matière, à aimer la luxure, à aimer ces choses-là. Quand on parle des maîtres de la Gartha ou de Shambhala, on parle de grands vichous célestins qui manipulent la matière de l'homme, qui règlent les crashs et les guerres et qui règlent ces choses-là. Alors, parlez-nous de Shambhala. Ben, c'est intéressant. Il y a des personnes présentement qui font des conférences sur Shambhala. Si on veut savoir beaucoup de choses, on va écouter leurs conférences et on va apprendre beaucoup de choses sur Shambhala. Puis après ça, quand on est rendu chez nous, eh bien, là, on se tient sur la tête de façon à brasser tout ce qu'on a appris. Et puis, quand on s'en met debout, c'est suffisamment brassé. Puis là, on risque d'avoir une idée personnelle de ce que c'est que Shambhala. Mais Shambhala, ce n'est pas emballant. Il y a énormément de processus dans le passé qui étaient supérieurs à l'homme. Comprenez simplement que vous naissez petit bébé et que vous avez une gardienne qui vous garde, qui vous torche, qui vous change, qui vous lave, mais vous êtes le fils d'un roi. Alors, tout le don de votre naissance, la gardienne, ben c'est votre maman, hein? Vous l'aimez, vous la respectez. Quand elle vous dit « va te coucher », tu vas te coucher. Quand t'es rendu à 30 ans et qu'elle te dit encore « va te coucher », tu vas te coucher, c'est que t'as pas compris que t'étais le roi. C'est elle qui doit maintenant écouter. Et l'homme, c'est comme ça. Il y a beaucoup de processus qu'on a écoutés. Ils étaient là pour nous guider. Nous les avons créés de façon à ce qu'ils nous remémorent des choses. Quand on arrive à leur niveau, ils font tout pour qu'on monte plus haut. Et Shambhala et Lagartha sont des processus hautement aujourd'hui évolutifs. Ils ne veulent pas que l'on grimpe. Ils nous parlent de belles choses. L'émotion. L'émotion. Si on vous vend quelque chose parce que c'est beau, faites attention. L'expérience planétaire prouve que dans tout paradis se cache un enfer. Les îles vierges, allez-y, vous verrez. La jungle, c'est extraordinaire, allez-y, vous verrez. La neige, merveilleux, couche-toi dedans, tu vas voir. Tout paradis amène un enfer. Qu'est-ce qui crée les dieux? On va y revenir. Qu'est-ce qu'un walk-in? Intéressant, j'en ai parlé cette semaine avec un ami. Pouvez-vous nous en parler? Oui, j'y reviens dans les aides contrôle. Dans les hommes miracles, possiblement un peu. Pourquoi y a-t-il les crashs boursiers? Comment savoir qui suivent dans notre évolution? Comment reconnaître le vrai maître? Mon fil n'est pas assez long, vous êtes chanceux. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui sait comment reconnaître un maître? Est-ce que tu sais comment reconnaître un maître? Oui. Est-ce que tu en suis un maître? Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui sait comment reconnaître un maître? Il marche sur l'eau? L'autre, il prend une chaloupe. Les deux marchent sur l'eau. Il y en a un qui est vieux, l'autre est jeune. Il y en a un qui a 400 ans, l'autre 2 ans. Comment on reconnaît un maître? Il y en a un qui se promène avec un livre sacré sous le bras. Il y en a un qui fait des guérisons. Comme certains médecins. Comment on reconnaît un maître? Faut apprendre à reconnaître un maître. C'est essentiel. Vous ne pourrez pas évoluer si vous n'avez pas de maître. Et vous ne pourrez jamais évoluer si vous ne savez pas comment on reconnaît un maître. Chez Pascal, on vend des maîtres. Chez Sears, on en vend. Je ne parle pas des pieds. Qui, parce qu'on les connaît beaucoup, deviennent des maîtres. Je parle des miroirs. On prend un miroir, on se l'affiche en avant, puis on se regarde la face dedans. Vous serez capable de reconnaître un maître lorsque vous serez capable de supporter le poids de votre ignorance. C'est-à-dire que si vous êtes capable de vous regarder en face, puis de dire c'est moi tel que je suis, puis je vais rester ce que je suis ou je changerai selon ce que je changerai, mais jamais je vais me permettre